Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcousset 95 FM! Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC. Bonsoir Sylval. Bonsoir Monsieur Scream. Bonsoir Slasher. Bonsoir Scream. Alors, comment il va le Slasher? Très très bien, et toi? Bah écoute, ça va. Là, t'as pas été faire un tour à la foire? Non. Il n'y a pas des manèges qui l'intéressent. Ça a été le petit week-end Bah écoute, je vais passer avec toi alors. Oui, car nous ça étions... Ça va être encore une fois mal interprété, ouais. Mon compagnon. Ouais. Car nous étions au repas, l'apéro repas de la radio, qui s'est très très très bien passé d'ailleurs. Ouais, c'était bien, c'était ouais. Sympa. Ouais. Et on remercie les gens d'être venus nombreux, voilà. Sinon, bah, je ne pourrais pas vous raconter l'histoire de Sonata Arctica. J'ai eu, comme qui dirait-on, un petit problème de calendrier. Youhou. Mais par contre, on vous racontera la semaine prochaine le... Par contre, le... il y est. Ouais. D'ailleurs, en parlant de l'IA, concours. Ouais, concours, jeunes gens. Jeunes gens, il reste encore des places pour le concert du Hell Yeah. Alors, aujourd'hui, on aura d'ici un petit quart d'heure Bleed en interview Bleed phoneur. En phoneur. Voilà. Et vers 21h, on aura le groupe. Le Slasher. Incarious Rising. Voilà, Incarious Rising. Oui, c'est à toi qu'on parle, tout à fait. Voilà. Et bien entendu, on retrouvera bien entendu la Sylval Song, la Slasher Song, et bien entendu la balade crapuleuse, et peut-être quelques titres que tu nous auras apportés comme ça, car on a des interviews, donc ça va être un peu short, mais on va essayer de faire un maximum pour vous faire plaisir aux oreilles. Alors, on va commencer très fort avec une petite reprise de Deep Purple qui figure sur un EP qui est sorti de Dimmu Borgir. Et c'est tout simplement un titre que je sais que tu apprécies très fort. C'est Perfect Stranger. Ah, j'adore celle-là. Mais attention, c'est une version Dimmu Borgir, hein, donc c'est vraiment autre chose. Mm. Et après, on se retrouve, les amis. You Voilà, voilà, donc c'est le titre de Dimmu Borgir avec la chanson Perfect Stranger, une reprise de Deep Purple. Magnifique, je voilà. L'avoue. Voilà, donc le prochain titre qu'on va s'écouter, là je crois que ça va te faire super plaisir. Le groupe s'appelle tout simplement MF Crew, l'album s'appelle First Ride et on va s'écouter le titre Last Beer. Franchement, je crois que c'est plutôt ta cam, tu verras. Ok, c'est bien. C'est vraiment bien foutu, voilà. Et on remercie bien entendu Eliprod de nous avoir envoyé ce. Tout à fait. Cette petite perle. Voilà. Tout à fait. Bon, mais genre, c'est vrai que je te regarde avec des yeux ronds, là. si, c'est vrai. Ouais. On peut lui faire une bonne pub à cette fille. Parce que franchement, elle le mérite. Quelqu'un de jeune, mais. Mais franchement, qui donne tout ce qu'elle a en elle pour aider les groupes et ainsi de suite, quoi. Tout à fait. Allez, c'est parti. We'll be right back. Ça, je crois que c'est quand on a pris la last beer, hein, la dernière bière. C'est pas mal du tout, hein. Ouais, non, c'est, ça me plaît bien, moi. C'est plus mon style, c'est vrai, ouais. C'est plus ma cam. Voilà, c'est MF avec l'album qui s'appelle First Ride. Et bien entendu, c'était The Last Beer. Voilà, avant de retrouver ton titre, on va s'écouter un autre titre. Et puis après, on te retrouvera normalement. Tout à fait. Le groupe nous téléphonera pour passer en founeur, les amis. En direct live. En direct live. On va s'écouter Badass avec Nightmare of My Youth. Extrait de l'album More Pain, More Gain. You know what I mean? Your sound is way too Eh ben c'est pas mal du tout, hein, tout ça. Alors voilà, nous sommes sur antenne avec le groupe Bleed. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut, salut. Voilà. Vous nous entendez bien, ça va? Oui, ouais, c'est parfait. Voilà. Alors voilà, donc vous êtes un groupe qui existait depuis 2013, on va dire ça comme ça. Voilà. On va un peu vous présenter vous présenter un peu plus, hein. Vous êtes de quel côté de la France déjà? Région parisienne. Région parisienne. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a inspiré de faire de la musique? J'ai envie de te dire la musique. Disons que je pense que chaque membre écoute du métal, même d'autres styles de musique depuis son plus jeune âge. Oui. On s'est dit un jour, on va prendre un instrument, on va essayer. Alors au début c'est toujours galère, mais au final, on commence à prendre du niveau. Et puis on s'est dit, on passe à l'étape supérieure, on cherche un groupe. Donc voilà, ça s'est fait naturellement en fait, parce qu'il y a, au niveau de la constitution de Bleed, Vincent en fait et Nico, donc Nico qui est batteur et Vincent qui est guitariste en fait appartenaient au groupe Careless Institute. Je crois qu'il a disparu du coup en 2013. En fait ils ont renommé le groupe on va dire en Bleed et du coup ils ont cherché de nouveaux membres avec Rudy qui était dans le groupe Bleed à l'époque mais voilà qui est parti. Et donc en fait ils ont refait un nouveau groupe sur les cendres de Careless Institute. Et donc ils ont passé des annonces et puis on les a tous rejoints du coup. Voilà, ça s'est fait comme ça. Bon historique quand même sur le groupe. Hein. Alors là, vous avez il y a un album qui sort Chaos Impact. Chaos Impact. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce travail qui à mon avis qui est un travail d'orfèvre quand on écoute un peu la production derrière, les compositions, à mon avis, c'est un travail qui a quand même pris du temps, non? Ouais, c'est clair. On a travaillé dessus depuis 2013, donc on a mis à peu près 2 ans à le finaliser. Et ça n'a pas été tout rose tous les jours, quoi. Hein. C'est beaucoup de sueur, des embrouilles, beaucoup de plaisir aussi, bien sûr, évidemment. Et effectivement, on en a un peu chié, on est passé par des moments un peu difficiles, l'année 2016 nous a pas vraiment porté chance. Et puis, avec la sortie de l'album, on commence à sortir un peu la tête de l'eau, ça fait bien plaisir, on a des grosses dates qui arrivent, et on n'a jamais été autant au top. Voilà, c'est ça, moralement je veux dire. Quand tu dis comme ça, on en a un peu chié ou quoi, c'est et des engueulades, c'est plutôt sur des compositions ou des choses comme ça que ça n'allait pas avec le groupe ou... En fait, on va dire que le groupe a quand même pas mal bougé depuis sa formation. Comme te l'a dit Flo tout à l'heure, les membres originaux, il n'y a plus que Nico et moi. Oui. On est passé par pas mal de gars qui nous ont quittés du jour au lendemain. Il y en avait, c'était humainement, et d'autres, c'était musicalement. Voilà. Pour résumer, pour la vie perso, ou alors parce qu'ils n'avaient pas envie de s'impliquer d'autant. Nous, on a vraiment envie de bouger, de se donner un max pour la musique, mais c'était pas forcément les envies de tout le monde. Donc, malheureusement, il a fallu recommencer beaucoup de fois à zéro avec de nouveaux membres. Oui. Et c'est ça qui nous a posé pas mal de problèmes. Mm-hmm. Je vais juste, parce qu'il y a des auditeurs qui nous disent que, comme on a maintenant mis une vidéo aussi sur antenne, s'ils n'arrivent pas à capter la vidéo, les paroles, ils peuvent se connecter sur rqc.be, mettre le son sur la radio et la vidéo se chargera du reste. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un concept album ? Non, franchement. Alors, il y a un thème, disons, qui est récurrent dans l'album. C'est un petit peu, je dirais, une phrase philosophique, l'homme est un loup pour l'homme. C'est exactement ça, cet album. C'est qu'en fait, le mal, de manière générale, c'est pas l'homme contre la nature, mais c'est vraiment l'homme qui bouffe les autres hommes. Alors, ça n'est pas un concept album dans le sens où les chansons n'ont pas de lien, que ce soit musicalement ou artistiquement. Par contre, il y a un thème commun, mais c'est pas un concept album avec des chansons qui suivent ou ce genre de choses, pour le coup. Ce thème commun, c'est quel est-ce qu'on peut en parler un petit peu, c'est quoi comme thème commun? Ouais, bien sûr. Alors en fait, quand tu prends prends chacune des chansons de l'album, ça aborde d'autres, on va dire, sous-thèmes. Par exemple, tu prends Your Answer, ça parle, par exemple, d'amour, entre guillemets. Oui. Tu prends, par exemple, la chanson Time to Bleed, ça parle vraiment de la souffrance de l'homme vis-à-vis d'autres hommes. C'est-à-dire que, pour survivre, un homme fait du mal aux autres. Voilà, c'est ça, notre, en gros, notre société moderne. C'est que, obligatoirement, si un homme veut se mettre en valeur, il va, par exemple, rabaisser les autres. Par rapport à sa vie perso, à sa vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment ce thème qu'on essaye d'aborder. C'est tout simplement que l'homme ne se contente pas de ce qu'il a, mais l'homme est trop ambitieux par rapport à ses, on va dire, à ses ambitions. Je l'ai dit deux fois, mais c'est pas très grave. Voilà. Ouais. Et le morceau de Never Surrender qui veut tout simplement dire ne te laisse pas faire par les autres, garde la tête haute, même si on essaye de te mettre des bâtons dans les roues. Mm-hmm. Relie bien ces différents thèmes entre eux. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez interrompu un petit peu vos répètes, hein, c'est ça, aujourd'hui On est en pleine répète, là. Hein ? On était en plein dedans. Voilà, donc, justement, vous répétez pour commencer à tourner, pour promouvoir un peu cet album, c'est ça ? C'est ça, ouais. Mmh. On répète lentement, on a un rythme de répète qui tourne entre une ou deux fois par semaine. Suivant les cas, on commence à avoir de belles dates, on se met aussi la pression pour faire un set, on essaye de faire un set de qualité. Donc voilà, on a pas mal d'échéances et on espère pouvoir en tout cas se donner au max pour respecter les différentes dates qu'on va avoir, que ce soit le public ou l'organisation aussi qui nous invite. D'accord. Peut-être qu'on fasse un petit planning des dates qu'on va avoir. Ah bah oui, on en viendra tout à l'heure hein, pour parler un petit peu des dates. Est-ce que vous comptez passer ou nous dire bonjour déjà dans le Nord? Ah bah, ce sera avec grand plaisir. On n'a rien de prévu dans le Nord, mais ça sera avec grand plaisir. Ça serait vraiment un plaisir. Mmh. Et justement, là, vous êtes chez M&O Music. C'est pas trop dur pour justement des groupes de trouver des maisons qui veulent bien laisser la chance à des jeunes, des petits jeunes, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles l'album a mis un peu de temps à sortir, parce qu'il a été prêt quand même en 2015, début 2016, et il sort que début 2017. Donc on a passé pas mal de temps à essayer de démarcher des labels et en accrocher un, quoi. Mm-hmm. Et puis ça a été au niveau. Donc effectivement, la réponse est oui, c'est pas simple. Et en fait, ce qui est encore plus surprenant, c'est que je dirais même que c'est difficile de pas se faire avoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de labels où tu vas payer et tu vas avoir aucun retour. En gros, tu vas payer parce qu'il y a des frais de distribution, parce qu'il y a des frais de promotion, marketing, mais derrière, tu vas avoir aucun retour. C'est un peu des attrape-nigo. Et là, avec M&O, bah, vu leur background, vu la réputation qu'ils ont, on savait que c'était tout sauf une arnaque. Donc du coup, on a préféré prendre notre temps pour être sûr de notre coup et avoir le maximum d'impact possible, que ce soit dans les médias ou sur les radios. D'accord. Et moi j'avais une question un peu plus simple à poser. Hein. Comment se passe une composition au sein de Bleed? Est-ce que chacun vient avec son riff ou des choses comme ça, ou alors les chansons prennent début et fin au bord d'une jam? Il y a eu pas mal de taf perso, donc à la maison. On ramène effectivement des idées qui sont quand même déjà bien construites. On répète, et puis après on les peaufine bien sûr tous ensemble. On jamme pas énormément. C'est quand même une musique, j'ai envie de dire, sans prétention, qui a une composition assez compliquée, avec beaucoup de parties, beaucoup de riffs dans chaque morceau, des morceaux qui durent longtemps. Mm-hmm. Donc c'est pas évident de faire un jam et de sortir des compos pareils. Parce que quand on jamme, on a tendance à tourner longtemps sur la même chose. D'accord. On peut très bien le faire, mais ça, on le fait pour s'amuser. Donc, mm-hmm. On a plutôt tendance à créer des choses chez nous qu'on va ramener et qu'on va enrichir avec tout le monde, quoi. D'accord. Peut-être que le slasher, parce qu'on on a une équipe hein, ici dans Rive d'Enfer, il y a Sylvain et il y a le slasher. Vous avez peut-être une question à poser au Bleed, peut-être Sylvain, le slasher? Ah, ils sont timides. Non. Non. Val. Non. moi je voulais te parler un petit peu parce que bon, j'ai eu l'album promo depuis quelques temps. Hein. Est-ce que ça va être la même artwork pour l'album promo que pour l'album qui vient de sortir? C'est moins complet parce que tu ne vas pas avoir de livret. Ah non, j'ai pas de livret. Moi j'ai juste où on va la flaque avec des immeubles qui sont mis. Tu peux nous montrer ou on voit pas nous? Oui. Mais bon, il te manque le livret et les photos qui sont dedans et les paroles peut-être aussi, ouais. Ouais. Les paroles. Mmh. D'accord. C'est un chant français? Anglais? C'est pas précis. Anglais. Ouais. D'accord. Ça, t'as pas posé en question, d'habitude tu poses en question. Mmh. Et justement, donc. Parce que les gens, ils connaissent pas, donc c'est ça, quoi. Donc c'est un chant anglais, ils sont à combien d'albums? C'est leur premier album. Premier album. Tourné un petit peu annoncé, on va dire. Justement, là on va revenir. Hein. Mmh. Et est-ce que justement, on est quand même au mois d'avril, mai, juin, juillet, c'est les festivals, est-ce qu'il y a des dates qui vont justement s'opérer, comme Valérie demandait. Déjà à la fin de semaine, le 7 avril, on a une date dans une salle qui s'appelle la Boule Noire à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais, oui, de nom, mais bon, malheureusement, je m'y suis jamais rendu, mais je connais de nom. Ah, c'est une salle qui est plutôt sympa, on n'y a encore jamais joué, on est très heureux d'y aller. Ouais, c'est une belle salle. Suivante, au mois de juin, on a le extrême plaisir de jouer au Metal Corner du LC. Oui. Au mois de juillet, à confirmer, mais on joue au Bus Palladium à Paris. Normalement. Dans une belle salle de Paris. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est à confirmer. Après, en septembre, on va rejouer à Paris, en fin septembre, au Cirque Électrique. Mm-hmm. Ensuite, en octobre, on va faire une très belle date à Marseille. On va jouer au Jazz Road. Oui. Dans les plus belles salles à Marseille. Et ensuite, je crois qu'en décembre. Non, mais fin octobre aussi, t'as Beaumont. Ah oui, bien sûr, Beaumont. On va jouer avec les Espagnols de Crisix en première partie dans une grande salle à Beaumont, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand. Oui. Et également, en décembre, on va jouer normalement à Limours. Voilà. Pour une association, en fait, les Rockeurs ont du cœur. C'est un concert gratuit où les gens apportent un jouet. Pour payer leur place et se redistribuer aux enfants. Voilà. C'est bien justement, parce que j'aime bien d'entendre des choses comme ça qui se passent que montrer aussi que les gens qui écoutent du métal ont un cœur justement, ça me fait super super bien plaisir de montrer ce genre de choses parce que des fois on a vite une étiquette et c'est un peu malheureux parce qu'on a des cheveux longs, on s'habille en noir ou des choses comme ça que on est plus mauvais que d'autres. Ouais, non, mais il n'y a pas une belle image en France du métal, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et justement, vous avez sûrement tous des influences différentes musicalement en métal. Oui, ouais. Quelles sont vos idoles à vous? Pour ma part, donc Vincent, guitariste, ça va être Machine Head, Lamb of God, The Haunted, Chimera. Oui. Je vais laisser les autres. Moi, c'est Damien, bassiste. Si je devais en citer deux, ça serait Metallica et Machine Head. Metallica pour Tudjirello ou pour Jason Newsted, par exemple, ou Cliff Burton? Plus pour Cliff Burton, mais les autres étaient très bons aussi. Hein. D'accord. Il y a deux gens là. Il y en a un qui est toujours là. Les deux, c'est des pigments, ils sont tous les deux vivants, hein, il paraît. Mm-hmm. Il paraît. Donc moi, Flo, donc au chant, je dirais deux majeurs, Sowork et Eddie Gates. Voilà. Oui. Nico, batterie, c'est dans le métal ou même dans d'autres univers? Tu peux même dire du jazz ou n'importe quoi. Hein, Pour moi, ce serait Michael Jackson et Eminem. Pourquoi pas, moi? Pourquoi pas, moi? T'aimes quand même. Non, mais pourquoi pas? Parce que bon, moi j'ai eu l'occasion de rendre. Du métal, hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, moi je suis franc et je le dis, Michael Jackson, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et c'est une de mes idoles, c'était une de mes idoles. T'étais pas enfant, j'espère. J'en ai 48 donc, j'étais pas enfant non plus et j'avais pas mal au cul quand je m'asseyais. J'ai beaucoup de respect pour Michael. Je crois que le slasher avait une question quand même à vous poser. Oui, pour poursuivre un peu. Donc, avec quel groupe aimeriez-vous le plus jouer? Oh là là, on joue jamais avec les mêmes groupes. Ouais. Avec qui pour moi, ce serait Sworn Enemy. Ouais, ça peut être sympa. Moi, je dirais... Moi, j'aimerais bien qu'on joue avec Deontid. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, Deontid, je pense. Non, c'est vrai qu'il y a rien souvent. Ouais. Deontid. Sworn Enemy. En première partie, ils jouent pour nous. Ah oui, carrément, qu'ils ouvrent pour vous, là, c'est... Je rigole. Non, mais on ne sait jamais, les amis. Moi, je prends l'exemple tout bête de Sabaton, à un moment donné, il faisait l'ouverture de Maiden, et puis après, ça a basculé, c'est Maiden qui a ouvert pour Sabaton, il y a un an ou deux. Donc, vous voyez, ça tourne, hein, la roue, elle tourne dans la musique, hein. Ouais. Les projets pour Bleed, justement, donc il y a les concerts qui vont se mettre, quelques dates peut-être sur des festivals comme vous l'avez annoncé, et puis ça va être quoi comme gros projet, on peut dire pharaonique, que vous envisagez? On veut tourner au max. Alors nous, on aimerait bien déjà pour cette année se concentrer vraiment sur Paris et également la province. Et puis, pourquoi pas l'année prochaine faire de l'international. Bon, moi, je sais qu'on aimerait bien jouer, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne. Rester proche de la France dans un premier temps. Et puis après, pourquoi pas une petite tournée en Russie, ça serait sympa. Ce qui est sûr, c'est que le deuxième album viendra beaucoup plus vite que le premier. Hein, parce que vu le temps qu'il y a eu entre l'enregistrement et la sortie, donc là, on va essayer de sortir plus rapidement. Vous avez déjà de la matière pour... Vous avez déjà de la matière pour le futur album? On en a assez peu. On a pas mal de riffs à droite à gauche, pas mal d'idées, mais faut qu'on les mette ensemble, faut qu'on bosse. Là, on commence à peine à s'y mettre vraiment, en fait. Donc, on s'est donné comme deadline d'ici 2019 pour enregistrer. Et l'album serait plus ou moins dans la même lignée, ou il y aurait peut-être un changement musical un petit peu sur... Il y a un deuxième guitariste qui n'était pas présent sur le premier album, donc forcément il y aura quelque chose de nouveau. Oui. Moi je pense que ça sera assez différent quand même. D'accord. Différent dans la continuité, le truc qui veut rien dire, et que tous les groupes disent. Alors, je pense qu'on a quand même une patte qui est là et qui va rester, mais on va essayer de s'améliorer, peut-être de faire des choses un petit peu plus aériennes de temps en temps, parce que là on est quand même dans de la violence de A à Z, du début à la fin. Peut-être que ça ferait du bien au public, en live ou quoi, d'avoir des moments. Et à nous aussi. En live, que les gens n'avaient pas une minute de répit, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on joue 45 minutes, c'est 45 minutes, tu t'en prends plein la gueule et voilà. Donc, on pourrait peut-être penser que le deuxième album, il y aurait éventuellement, on va dire, une pseudo-ballade au milieu de l'album, quoi. Quand je dis une balade, je veux dire une pseudo-balade, un morceau beaucoup plus calme que l'album en lui-même représente pour le moment. Quoi. Peut-être, ou alors plus de passages calmes à l'intérieur des différents morceaux. Voilà, d'accord. Plus de passages calmes, peut-être une touche de prog, parce que par exemple, quand on écoute le morceau Chaos Impact, il y a une espèce de pont au milieu avec un aspect un petit peu plus prog, sympa. Donc ça sera peut-être des passages comme ça, en fait, des passages plus cool. D'accord. Quel conseil pouvez-vous donner, comme vous avez un peu galéré, pour les jeunes groupes éventuellement? Moi, je pense que le secret, c'est un line-up stable et une envie commune. Il faut que tout le monde ait les mêmes objectifs. Ouais. D'accord. Je vais vous laisser le mot de la fin, les amis. Et je vais vous laisser annoncer votre titre que vous avez choisi, qu'on va jouer directement après. Bah écoute, Eric, oui. Et des deux autres personnes, donc j'ai pas bien compris le nom. Sylval et le slasher. Ok, c'est un vrai plaisir, merci de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup, on espère qu'il y aura des auditeurs qu'on pourra rencontrer, qui viendront au concert et qu'on va continuer à retourner les salles comme on commence à le faire. Je l'espère aussi. Oui. J'espère surtout que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter Your Answer. Ok, voilà. Allez les amis, merci beaucoup. On s'écoute donc justement Bleed avec Your Answer. Ciao les amis. Ciao. Oui. c'était le groupe Bleed qu'on vient d'avoir en interview. Ben, on les remercie. Mmh. Hein. Donc là, on va avoir des CD à vous faire gagner, les amis, donc de Bleed, tout simplement en message privé. De quelle ville de France sont originaires le groupe Bleed? Vous envoyez les messages et les trois premières personnes qui auront répondu auront remporté le CD de Bleed. Autre chose aussi, concours est lié. On va le faire en même temps parce que c'est jeudi hein, quand même le concert. Si je ne me trompe, oui, c'est jeudi. Oui, c'est jeudi le concert de Ali. Ah, parce que bon, je le dis maintenant parce que si je me trompe, comme moi je me trompe tout le temps de date pour le moment. Et donc, il reste des places pour aller voir le groupe Ali. Tout simplement, quelle est la date de formation, l'année de formation du groupe? Voilà, l'année de formation du groupe. Et les premières personnes qui répondent seront tirées au sort et remporteront des places pour aller voir le groupe au Splendide. Alors, Sylvain, on va s'écouter ta song, une de tes songs, et c'est... Oui, donc une nouveauté. Enfin, nouveauté, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est nouveau son. Donc, c'est Deep Purple avec le titre « Time for Bedlam ». Voilà. Deep Purple qui seront en concert... chez nous, le 1er juin, il me semble, ouais. Au Zénith de Lille. Ouais. Et nous, on le reverra quelques jours après. OL. OL First. Allez, c'est parti. Je te laisse annoncer ton titre. Alors, Deep Purple avec Time for Bedlam. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane. Never to be seen again. Saying farewell to daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learned to behave. What to believe, what not to say. From cradle to grave. Sucking my milk from the venomous tit of the state. nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration. Voilà, donc c'était Sylval. Le titre Time for Bedlam. Voilà, l'album est à tomber reine mort. Alors, il est bientôt l'heure de recevoir nos autres ici. Hein. Mais juste avant ça, on va s'écouter la Slasher Song qui est déjà un peu décalée aujourd'hui. De part, on vient d'avoir l'interview de Bleed. Et maintenant, donc on va d'abord s'écouter la Slasher Song, puis après on arrivera tout doucement vers nos invités. On se retournera vers nos invités d'ici quelques minutes. Alors, le Slasher nous a choisi quoi et pourquoi ? Alors, je vous ai choisi un groupe qui n'existe plus. Un groupe qui nous vient tout simplement d'Amérique. C'est un groupe de groove, trash metal, et qui nous vient de Los Angeles, qui était formé en 1995 et qui n'existe plus depuis 2004. Ouais. Et donc, en fait, c'est un bon groove metal, on va dire un peu à la Pantera un peu. Mais... Ouais, si on peut dire ça comme et ça. Et donc, dans les membres, il y a Dave Lombardo, Slayer, hein. Walker Sokita, Gus Chambers, Jason Weisbunks, Body Gus Forms, Chaz Grindy et Stu Currington. Et franchement, c'est un excellent groupe. Donc, c'est le groupe Grip Incorporation. Voilà. Et tu me l'as fait découvrir hier. Voilà. Comme ça. Donc, on va essayer. Et tu nous as choisi quel titre de Grip Incorporated ? Je sais plus. Hostage to Heaven. Ouais, voilà. On va s'écouter ça pour se retrouver tout de suite après alors. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Son of a Donc c'était Grim Epoch Incorporation avec... D'accord, Hostage to Heaven, voilà. Donc on accueille en studio, bonsoir à vous, hein, le groupe Icarus Rising. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, en forme. Ouais. Ouais. Ouais. Alors voilà, vous êtes un groupe de la région, on va dire peut-être moucronoise, lilloise, vous préférez quoi ? Les deux. Ouais, on est binationaux. Ouais. Je pense qu'elle m'en proche. Ouais, on va dire un groupe franco-belge. T'as c'est ça, voilà, franco-belge. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Tout ça de ta faute. Donc, on va d'abord vous présenter. Vous êtes quatre. Vous êtes au complet, je suppose. Dans... Ouais. Il manque pas quelqu'un. Donc, on va vous laisser vous présenter. Hein. Donc, on va commencer par la gauche. Donc, moi, c'est Gwen, le guitariste et cofondateur du groupe Icarus Rising. Ouais. Voilà, ce que j'avais à dire pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Hein. On va faire les formalités. Ben, moi, c'est Laurent, bassiste d'Icarus Rising depuis maintenant un an. D'accord. Oh, ouais. Dis que t'es belge. Je suis moucronois et fier de l'être. C'est le moucronois. C'est la branche belge de. Moi c'est Corentin, je suis chanteur dans Icarus Rising aussi, lillois aussi, donc français, mais on adore les Belges, hein. Ça y a pas de souci quoi. Voilà. Moi c'est Bédou, enfin Vincent, normalement. je suis guitariste chez Icarus Rising depuis peu, ça fait depuis décembre. Mmh. Et puis voilà, je suis de la région de Lille. D'accord. Voilà. Donc ils sont en force les Lillois quand même. Ouais. Bah bon, je vais pas trop la ramener. Les Français sont en force. Hein. Bon, on est deux Belges quand même. Hein, je te rassure. Je suis tout seul. Voilà. On va peut-être laisser. T'as une question déjà posée, peut-être Sylval ou. Bah écoute, oui, on va les attaquer tout de suite. Hein. Voilà, on attaque. On attaque. Donc vous êtes quel style? Glam. On va dire qu'on est le style Icarus Rising. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'on a les influences de chacun qui y travaillent. Si on devait coller une grosse étiquette, ça serait du post-hardcore. Ouais. Avec une petite passerelle vers le metalcore. Mais c'est vraiment un gros mélange aussi bien de néo. Il y a beaucoup d'influences. Ouais. C'est quelque chose de très spécial et très, très identifié à nous, en fait. D'accord. On a des passages vraiment bourrins, très violents, mais aussi avec des passages très aériens. Très aériens, très calmes aussi. On s'est dit, on va prendre le risque. C'était un peu l'aventure tous ensemble entre poteaux. On s'est dit, allez, on va pas faire quelque chose d'ultra bourrin. On voulait l'entre-deux en fait. Ok, chant anglais. Français. Français. Ah, encore plus de risques. Autre risque. On s'est dit pourquoi pas. C'est qui est-ce qui, alors, qui écrit, qui a les idées pour les textes au niveau, au niveau des paroles, c'est moi. Voilà, c'est déjà pas mal. Et pour les musiques? Surtout Gwen. Ouais. Tout sort un peu de sa tête et quand on a envie de composer un truc, bah, on lui donne et il le Icarus un peu. Il le fait j'aime bien, à notre sauce. J'aime bien, c'est il le Icarus un peu quoi. Il le Icarus un peu. Donc voilà, il y a un nouveau style de musique qui est né. Voilà, c'est nouveau style de métal. Après le métal, maintenant il y a le métal Icarus. C'est ça. Voilà. Donc, on ne trouve que entre Moucron et Lille. Voilà, c'est un style hybride. Après, il faut le promouvoir. Voilà. Peut-être dans 10 ans, on sera les cofondateurs d'un nouveau style. Pourquoi pas. Je vous le souhaite d'ailleurs, c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Bon, je continue encore. Alors, vas-y, on m'a lancé. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes. Ensemble à 4. Ensemble, voilà. Puis à 4 depuis décembre. Ouais. Non, à 4 depuis décembre. À 4 depuis décembre. Ouais, je suis arrivé en décembre. Sinon, le groupe Icarus Rising est vraiment né. En 2015, ouais. Ouais, septembre 2015. C'est ça. D'accord, ça fait quand même 2 ans, quoi. Ouais. Un petit 2 ans. C'est ça. Ouais, sur 2 ans de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. Un EP, plusieurs EP. Alors, non, là, c'est vraiment le tout premier EP. Parce qu'il y a eu déjà, c'est. Dès décembre, on a commencé les concerts. C'est ça. On a fait les concerts fin 2015 et début 2016. D'accord. Ensuite, il y a eu plusieurs changements de line-up. Donc, on a recruté un moucronois. Ouais. Laurent, si tu nous entends. Ouais, je crois qu'il vous entend bien. Là. Et ensuite. On s'est dit, les compos devenaient de plus en plus complexes, entre guillemets, donc les assurer tout seul à la guitare, on s'est dit, pourquoi pas prendre un deuxième guitariste. Ouais. Et c'est là que Bédou est arrivé. Et puis, depuis Facebook. D'accord. Du coup, en parallèle, on va dire que comme on se reformait, on en a profité pour pondre l'EP, vraiment commencer à faire les démos, à faire les maquettes, et vraiment ensuite commencer la phase d'enregistrement. Et on est encore dedans d'ailleurs, on est vraiment en train de le peaufiner, de le terminer. Là, on règle les détails. On a 8 titres à l'actif quand même. Ouais, on voit que l'EP est un travail sur un bon bout de temps, parce que quand on voit le premier titre et le dernier, ouais. Enfin, quand on écoute tout l'EP, on voit vraiment l'évolution du groupe. Ouais. On sent vraiment le passage quand on est arrivé, quoi. Ouais, c'est pas ça non plus. Je continue, hein, je suis dans ma lancée avec vous. On y va. Donc, Moucronois, Lillois, vous faites des concerts dans les petits bars, je suppose, style El Diablo. Ouais, enfin, El Diablo, malheureusement, il n'existe plus, malheureusement. Il y a le Midland, Select. Midland, joli, ouais. Jouait pas mal. Le Bubble aussi. Ouais, Bubble Café. Le Bubble. Ça peut être bien. Mais c'est juste, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas fait, cette année surtout, comme il y a un nouveau line-up, l'enregistrement de l'EP, ouais. on n'a pas fait beaucoup de représentations live. Et puis, ça va reprendre d'ici juin. Voilà, ouais, d'ici juin. Bon, on s'enfermait, hein, grosso modo. Oui. On peut dire qu'on a joué ici, en territoire belge, à tourner. Ouais. C'était le dernier concert avant la petite pause. Ouais, la petite pause, c'est ça. Ouais. Et on reprend du service en Belgique. Alors, ouais. Le 27 juin. 27 juin, fête de Moucron, ouais. Le Moucron Rock. D'accord. On sera là. Ouais. Ok. On vous y attend. C'est ça. C'est du boulot, tout ça, quand même. Attends, ouais. J'ai encore une question. Vas-y. Sur le EP, il y a combien de titres alors? On disait 8 titres. Ouais. 8 titres. Qui est un gros EP, mais un petit album. Ouais, voilà. D'accord. Entre les deux. Donc prochainement, la sortie de l'album, je suppose. Il y a quelques titres qui ont été déjà composés derrière. Ouais, on voit déjà la suite. Ouais. On voit déjà le futur. Ouais. Bon, après, pour arriver à un album, il y a encore quelques boulots à faire. Là, on va vraiment bien digérer l'EP, bien le roder sur scène. C'est ça. Il y a pas mal de nouveaux titres qu'on n'a pas encore joué sur scène, et ça va faire plaisir de les sortir quand même. Ouais, je pense, ouais. Ok. Carrément. Justement, tout à l'heure, Sylvain vous posait la question, chant français. Ouais. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous pensez que c'est pas peut-être une prise de risque, se dire, tant pis, on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, et on veut pas essayer d'attirer, parce qu'en plus de ça, faut savoir que Lille, Moucron, on est près de la Flandre, où il y a plus de néerlandophones, donc l'anglais passe beaucoup plus facilement que le français. Pourquoi cette prise de risque? En fait, si c'est une prise de risque. C'est une prise de risque directe, en fait. Moi, j'avoue, personnellement, c'est parce que c'était aussi mes influences. J'ai commencé dans le métal plus jeune avec des groupes comme Massisteria, Acme, c'était Plémo aussi, il y avait Ziars. Ouais. Toute la vague néo-métal, en fait, moi, elle m'a pas mal influencé. Et je me suis dit, si je dois sortir quelque chose de vraiment profond de moi, je voudrais comprendre au maximum, et en fait pour comprendre au maximum c'est parler ma langue maternelle, quoi, vraiment mettre les émotions là où il faut, en fait. D'accord. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur, donc vous parlez de tourner, hein, c'est bien, hein, mais d'avoir des barrières qui vont se mettre entre vous, quoi, justement? C'est vrai que j'ai envie de dire, personnellement, quand Gwen m'a envoyé les premières compos, il m'a dit, viens tester, parce que moi je cherchais un groupe en tant que guitariste, et il m'a dit viens tester, et j'ai vu que c'était du français. C'est vrai qu'au début j'étais un peu, c'était pas mauvais, mais c'était chelou, et c'est vrai que je l'ai écouté plusieurs fois, et au final, ça rend tellement bien sur ce qu'on fait, en fait, ça rend super bien sur le style, je trouve, et c'est important, je pense, d'écouter vraiment, de voir ce que ça donne, et voilà. C'était beau. Pour rajouter un petit truc, après, c'est vrai que c'est sûr, c'est pas forcément... on a toujours la réflexion, le français, ça fait bizarre, mais au moins, les gens qui adhèrent vraiment pour ce que c'est. Et pareil pour les personnes qu'on recrute en tant que musicien, si vraiment déjà ils arrivent à passer la barrière de la langue, ce qui est bizarre de dire ça quand on est français quand même, pas quand on est francophone. Si on arrive à passer la barrière de la langue, pas avoir un métal anglais, déjà les personnes vont se sentir plus investies, et on sait que si elles adhèrent, c'est que c'est déjà gagné d'une part. C'est ça. Voilà, c'est vraiment que les personnes, elles s'intéressent vraiment et qu'elles ont vraiment envie d'y aller, qu'elles s'arrêtent pas aux Français. Je pense aussi qu'il y a il y a beaucoup de groupes de métal français qui meurent et enfin je sais pas si c'est volontaire sur le coup, mais on a envie de faire du renouveau. Maintenir un petit peu ça, la touche en fait. De dire que le métal c'est pas que de l'anglais. Ouais. Il pourrait y avoir du métal français comme je sais pas, j'ai jamais écouté, mais du métal espagnol ou italien, ça doit exister. Italien, espagnol, polonais. C'est ça. Moi j'écoute pas. On va prendre les plus grands, Rammstein. Ouais, ils le font dans leur langue. Donc vraiment, on va prendre les plus gros. Ouais. Mais après, moi, j'écoute aussi, c'est du métal japonais avec Dieren Grey et tout ouais, ça. Ouais. Ouais. Et ça apporte quelque chose de nouveau, des sonorités différentes. Il y a Nino aussi, tu vois. Enfin, ouais, comme aussi, quoi. Ouais. Bon, il chante en anglais après, mais. Mais ouais. Et justement, moi, ce que je vais faire, peut-être, ce qu'on va faire, on va inviter nos auditeurs à découvrir leur premier extrait. Tout à fait. Qui s'appelle tout simplement Entre l'ombre et la lumière. Ouais. Justement, bon. On va d'abord essayer de... Enfin, on va pas dire essayer, parce que c'est la langue française, donc les gens vont capter directement. Et après, on parlera un petit peu de cette chanson, si vous êtes d'accord. Ouais. Voilà, ouais, carrément. On va s'écouter donc Entre l'ombre et la lumière, et on se retrouve tout de suite après. Divinité, malgré les paysages, perdition de moi. La lumière, Icarus Rising. C'est le premier extrait qu'on vient de s'écouter, justement. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure... Et donc, on revient sur le groupe, là. Donc, il n'y a pas de batteur chez vous. C'est ça, la particularité, c'est ça. Hein. Voilà. Pas encore. C'est un choix. Pas encore. Il y a un choix un peu forcé, on va dire. Ouais. Après, on s'est dit, pourquoi se... s'arrêter là. Pourquoi s'arrêter là, ouais. On arrive à jouer avec un PC. Et c'est un challenge en plus, c'est de lors des concerts de faire voir que ben on arrive à avoir la même puissance sans batteur. D'accord. Alors bien sûr, on crache pas sur un batteur. On a eu plusieurs auditions. C'est un niveau quand même assez assez haut. Moi personnellement, je fais de la batterie aussi. Ça m'est déjà arrivé de quand on a vu une batterie à la salle de le faire aussi. Et c'est vrai que c'est un niveau assez. Enfin, on l'a entendu. Hein, c'est niveau assez quand même haut. Et on a eu plusieurs auditions de gens qui venaient et qui au final disaient c'est pas mon niveau quoi, et du coup on en profite si quelqu'un est intéressé pour rejoindre le groupe en tant que batteur. C'est parti les auditions sont contactez Facebook. Sachant qu'en ce moment ça bouge un peu aussi, on est en train de voir justement. On a reçu déjà quelques personnes. Ouais. Donc voilà. Et justement là on vient d'écouter la chanson. Comment te vient l'idée des paroles comme ça? Des paroles? Alors en fait, c'est dur de parler que de ce titre justement, parce qu'en fait l'EP en lui-même, c'est une globalité, ouais. C'est une histoire à part entière. C'est pas juste un titre à part comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas juste des titres assemblés vite fait les uns à côté des autres. Il y a vraiment en fait un univers. Si je devais le détailler un petit peu là maintenant, je vais essayer de faire rapide quand même. Sinon, on va passer une heure. Sur une demi-heure. En fait, c'est un peu l'histoire d'un mec, on va dire paumé, mais obstiné en fait, qui est bourré de principes et qui est attiré par quelque chose, enfin qui l'anime, quelque chose qui lui fait vibrer en fait, et il cherche à malgré les chemins qu'il va emprunter, en fait, peu importe les directions qu'il va prendre, il va toujours y aller à fond en fait, pour aller jusqu'au bout de ses pensées, de ses objectifs. Hein. Ses rêves, ses ambitions. Voilà, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. C'est un peu l'idée. Mm-hmm. Bon, question piège. Oh. Pourquoi ce nom Icarus Rising? Je sais pas ça. Je sais que ça fait très long débat pour choisir le nom. On est passé par pas mal de noms, pas terrible d'ailleurs. On se disait allez After the Fall, après on s'est dit il y a pas mal de groupes qui s'appellent comme ça, donc non c'est pas la peine. Ouais. Après on voulait garder un petit peu cette idée de tomber, mais de petites lueurs d'espoir en même temps. Ouais, c'est ça. Comme ce qui reflète l'EP d'ailleurs. Et après, toi t'aimes bien la mythologie. Oui, en fait, je pense que dans les textes, ça ressort pas directement, mais une grosse présence de la mythologie grecque dedans. Ouais. Sur ce titre-là, par exemple, ça représente bien, je trouve, la bataille des Thermopyles, en fait, qui a d'ailleurs été bien représentée au cinéma avec 300. On sent un peu, côté un peu désespoir, mais on y va jusqu'au bout, quoi. Mais si on sait que c'est perdu. C'est ça. Moi, j'ai pensé quand j'ai lu votre nom de groupe, Icarus Rising, un peu de quelqu'un d'entre vous qui aimait peut-être bien Maiden pour Icarus, Flight of the Icarus, par exemple. Alors, voilà. On aime bien Maiden, mais moi, c'est ce que j'ai pensé dans un premier temps. C'est vrai. Moi, j'allais pas chercher jusque-là dans vos influences, justement. Là, il y a la réflexion. Mais je pense qu'on reste sur cette idée de mythologie. C'est Icarus, de toute façon, c'était une personne aussi un peu obstinée. On connaît tous un petit peu l'histoire. Il faut être con d'essayer de voler avec une. Enfin, voilà. Ça, c'est... Ouais, mais ça, on le retranscrit bien aussi. On est un peu con. Ouais. Je n'ai jamais dit ça. Je parlais d'Icar. Mais bon, après, bon, voilà. C'est... Après, on assume le mec. Il a assumé, hein. Il a assumé, le mec. Hein. C'est vrai que quand on y pense, Icarus Rising, c'est un peu le réveil d'Icar, le mm-hmm. fait qu'il se relève. C'est ça. Ça pourrait évoquer, après, le fait qu'il soit tombé, bah, il se relève quand même. Non, non, il moi, meurt. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Après, tu es en train de découvrir un peu. C'est plus l'idée de. En fait, c'est le sentiment qu'on. Qui là, je pense à ce moment-là, c'est en si on traduit vraiment, ça fait Icarus en s'élevant. Ouais. C'est à ce moment-là où il est attisé par quelque chose, une sorte de flamme de. Enfin, je... ça me rappelle des paroles d'une oui, chanson. C'est pour ça, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que pour il est décrire un peu par une force et on sait tous qu'il y aura la chute derrière. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le dans la chose. Je pense que c'est un peu. À mon avis, quand il compose des paroles, il faut pas le faire chier. Parce exactement. Que... Alors là, alors il, là dans les il a déjà composé en pleine répète. Nous, on était sur nos guitares et les bah, il avait juste un peu mal à la gorge, il pouvait pas chanter, du coup il en profitait pour composer les paroles. Et il était là sur son truc. Les compositions, ça a bien évolué aussi. Oui, les alors là, ouais. Justement, vous parlez de composition, quand tu dis ça a évolué, dans quel sens veux-tu dire que, voulez-vous dire que ça a évolué justement? Oh bah, pour parler déjà de ma partie qui est vas-y, instrumentale, quand on a démarré le groupe, j'étais parti vers un délire assez électrocore quand même. Ouais, on m'a vite freiné, hein, on m'a dit bon là t'as peut-être mis un petit peu trop d'électro, ça va peut-être mal vieillir, ça va peut-être moins le faire, ça fait peut-être un peu cliché. Bon, j'ai eu mal sur le coup. Et finalement ça a été pour le mieux quand même. Non mais déjà ouais, pour l'instrumental, on a senti qu'on partait vers on a démarré vers du metalcore assez basique. Pour évoluer vers un style beaucoup plus. Enfin, qui mélange beaucoup plus d'influences, donc du death, du néo, du thrash. Il y a beaucoup de mélodies qui est venue s'implanter, d'où la catégorie post-hardcore. Ouais. En fait, on est le versant un petit peu mélodique du metalcore. On n'est pas du gros metalcore bourrin comme Breakdown of Sanity ou des trucs. Même si ultra c'est efficace. Un bon groupe, hein. Ah ouais, bah moi je kiffe, hein, je suis une groupie, mais. Non, je peux te rassurer, t'es pas une groupie, t'as la. Ah ouais, ça, bah c'est les gens parce te que voient, je suis pas rasé. Non, mais faut le voir en soirée. Mais, hein. mais comme il disait, ouais, c'est. On se rapproche plus vers un style propre à nous, quoi. On a vraiment un truc. De toute façon, ça s'est entendu entre l'ombre et la lumière. Moi, je sais pas sur quel style on pourrait l'identifier. Donc, du coup, niveau instrumental, ça a été ça. Mais ce qui a vraiment évolué, c'est au niveau des paroles. Des paroles. Ouais. Au départ, on avait vraiment cette. Enfin, je composais la musique, ouais. Il composait son texte par rapport à ce que la musique l'inspirait. Ouais. Et après. Il essayait de coller ça sur la musique, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'ajustements à faire au niveau des phrases, parce que des fois ça collait pas, c'était trop long ou quoi. Et bah du coup là ça a vraiment évolué sur les derniers titres, comment t'as composé. Puis on est plus live je pense, on a changé voilà, de méthode de travail, c'est je pense vraiment, c'est surtout ça. C'est vraiment sur la méthode de travail en répète, il part sur une idée, sur un concept on va dire, l'instrumental, enfin de toute manière c'est souvent comme ça, c'est d'abord l'instrumental et ensuite la voix qui se pose dessus. D'accord. Mais maintenant c'est beaucoup plus live, beaucoup plus ressenti, beaucoup plus fluide. Et Y a moins de paroles déjà. Y a moins de paroles. C'est surtout ça. Il a souvent plus mal à la gorge, c'est pour ça. Non du tout. Maintenant non. C'est y a plus. Non, t'as plus mal. Au début t'avais mal à la gorge. Ouais, je pense que c'était chaud, mais aujourd'hui ben voilà. C'est vrai que comme on l'a pu entendre aussi sur Entre l'ombre et la lumière, il y a des moments où c'est bien bourrin à la guitare, mais il y a pas de paroles à côté. Ouais. Et les paroles ça vient sur des moments plus calmes. Puis il y a des moments bien énervés avec des paroles. Puis on mélange vraiment de tout quoi niveau. Ce qu'on peut ressentir chez vous, je ne sais pas si Sylvain et le slasher le ressentent, c'est une ambiance assez bon enfant, familière. Oui. Ah bah c'est bien si. C'est la famille. Mais je veux dire, pour moi, je trouve que c'est très important d'avoir cet esprit pour justement pouvoir avancer dans ce milieu qui est. On va le dire, on se voile pas la face, qui est un monde de requins, qui est difficile. Et si on commence à jouer sa starlette ou quoi, ben automatiquement vous allez prendre le chou. Pour moi, c'est hyper important dans un, enfin pour moi comme pour les autres, je pense. Hein, c'est hyper important dans un groupe de bien s'entendre, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Hein. C'est l'une des composantes les plus importantes d'un groupe. Ouais, par exemple, quand on. Ah, tu voulais dire vas-y. Quand on a recruté Laurent et Bédou, en fait, même si au départ. Bon, maintenant ils l'ont explosé le niveau, hein, c'est clair. Mais même si au départ, et même si la personne n'avait pas le niveau requis ou quoi, mais on voyait qu'il y avait une motivation du travail ou quoi, et que le feeling passait. c'était le principal pour nous, c'était vraiment le fait que... Il y a un déclic qui s'est produit. Voilà, c'est dès la première répète, si on voit que ça rigole, qu'il y a des vannes un peu foireuses aussi, mais si on voit que c'est dans le même délire ou que ça... qu'il y a vraiment une cohésion, c'est vraiment ce qu'on cherche, la cohésion. On veut vraiment que ça se transparaisse déjà entre nous pour pouvoir retransmettre ça en live. Et c'est hyper important, une prestation live avec un groupe... s'il y a un groupe qui s'entend pas, une prestation live, ça devient... on a beau bien jouer, ça devient inintéressant, quoi. Ou il camoufle bien. Oui, bien sûr. Même des pros qui arrivent... Les pros, oui, de toute façon, c'est on a l'impression, accès. Certains groupes, donc je vais taire le nom, parce que on les prend, comme si on les apportait sur scène. Toi, tu restes là, tu joues, tu prends ton pognon et tu te barres. Les groupes qui ont 30 ans de carrière, si pas plus. C'est vraiment cette impression-là. Après, ils se séparent à gauche, à droite, et basta. Ouais, puis des fois, ils viennent voir le public et tout ça. Hein. C'est vrai, même si le leader n'est pas trop OK. Mais c'est ça qui est malheureux, quoi. Ouais. On voit que sur scène, ils s'éclatent pas, quoi. C'est après. Ça arrive, oui, il y a des groupes. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de voir des groupes pros que j'adore et qu'au final, je vois sur scène qui sont pas ensemble, qui jouent ensemble, mais. Enfin, pour moi, je vais dire ça, moi, c'est aussi important sur scène, si on parle de la scène, de bien jouer que de bien bouger, en fait. Bah voilà. Si sur une scène, on joue assis à faire ses solos, bon, autant écouter l'EP dans le casque. Puis c'est ça qui est sympa aussi, c'est que ça se transparaît même en répète, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre en place des jeux de scène. Ils vont se faire automatiquement, on va aller les uns vers les autres. On a des fois Corentin qui vient nous perturber un petit peu en nous gueulant dans les oreilles, ça fait partie. C'est vraiment à l'instinct, on va aller taquiner un petit peu l'autre pour dire de s'amuser. Bah venez voir le 27, ce sera ça. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment une... Mais je crois que si on devait... Enfin, maintenant qu'on en parle, c'est bizarre d'en parler finalement. Icarus, en fait, on a un groupe de potes, quoi. C'est ça qui change tout, quoi. Non, moi je suis pas d'accord. Bon, Bédou... toi t'es jeune, tu vas apprendre la vie. Et le slasher, est-ce qu'il a une question éventuellement à leur poser, éventuellement? Non, pas aujourd'hui. Ça fait deux fois que tu étais timide là quand même. Hein. Non, pas. Ah, vas-y, on t'écoute alors. Donc, je t'ai vu en fait en rentrant. Tu avais beaucoup de tatouages Slipknot, c'est un de tes groupes préférés? Ouais, c'est une de mes influences. C'est une de mes influences. Mais après, je suis parti plus sur. Là pour Icarus, vu que c'est fort mélodique, je suis plus parti sur du Mudvayne. Le bassiste il est balèze et puis ouais, c'est plutôt niveau slap que t'es parti sur Mudvayne. Et en plus, ici, comme. Gwen a souligné, on apporte tous notre petit truc qui fait que moi j'aime bien avoir du groove et ça apporte un plus dans Icarus. Ouais. Ce qui me fait bosser. Pour la petite anecdote, quand il a vu mes lignes de basse, enfin les lignes de basse que j'ai composées, il a fait non mais je vais jamais jouer ça, c'est pas possible. Ouais, c'est cool. Et au final, il nous les a tous rentrés en un mois. Moi maintenant, je vois jouer en répète, je suis. et j'essaye de prendre sa basse et je suis ah mais pourquoi j'y arrive pas. Justement. Je suppose que quand vous allez voir des concerts, vous y allez pratiquement ensemble, vous êtes des potes, pour pouvoir justement en débattre, en discuter. Est-ce qu'il y a des groupes que vous voyez que vous dites waouh, ça envoie la patate, on a envie d'être comme eux, quoi. Moi, s'il y a vraiment un groupe que je devrais citer, que quand je regarde le live, je me dis j'ai vraiment envie d'être comme eux, c'est August Burns Red. C'est clairement ma plus grosse influence metalcore. Et que ça soit guitare ou batterie, et quand je regarde un de leurs lives, ils sont entre eux, ils font comme on parlait tout à l'heure du jeu de scène, et ils sont totalement naturels dans leur jeu de scène, et je trouve ça super. Et moi c'est en s'inspirant de leur jeu de scène que j'essaye de faire des trucs en répète et le faire sur scène plus tard. Et toi, un groupe qu'on aurait été voir tous ensemble, ou même un groupe que tu as été voir en solitaire, hein? Bah, je suis partagé, il y en a plein. Ouais, Akimé, moi, ça reste vraiment ma valeur sûre. Ouais, je suis une groupie, j'avoue. J'avoue, on comprend le champ français. Ils sont autant géniaux sur scène que dans la vraie vie, en fait. Ils sont super accessibles. Ouais, très accessibles. Ouais. Je veux dire, c'est. Quand on va les voir, on a l'impression d'être en famille. Bah, j'ai un. C'est un, ça, quoi. Un pote, un ancien batteur de mon groupe qui a fait la première partie d'Akimé. Mmh. Et qui m'a dit que ça a été un très bon moment. D'accord. Et toi? À part Slipknot? Ben, comme j'ai dit, Mudvayne, Slipknot, Acme aussi. Mm-hmm. À un moment, jouer dans un groupe où on était fort influencé là-dessus. Et ça restait quand même. Quand je l'ai entendu sa voix, je fais waouh! parce qu'ils ont fait un cover, ça a commencé comme ça, j'ai découvert sur YouTube, ils ont fait un cover d'Acme. C'est vrai que c'est la première, et une des premières que j'ai vu aussi. Coïncidence, je mets une annonce sur Facebook, en tant que bassiste, je cherchais un groupe, parce que je trouvais pas son micro, impossible. Et Gwen, il vient me voir, il fait, bah écoute, je cherche un bassiste. Et justement, je regarde sur son lien, et c'était eux qui faisaient le cover 2 semaines après. Donc j'étais super content, quoi. Chouette. Et ben justement, en parlant de Mudvayne... hier, j'étais à deux doigts de choisir une chanson de Mudvayne. Pourquoi ? Parce que bah, le chanteur de Mudvayne, bah, c'est le chanteur d'Elié. Je dis, bah, il y a Elié au Splendide. Et ouais. Et on fait les gagner des places pour le concert d'Elié, justement. Oh. et toi ? Oh là là. Alors, c'est Rammstein, non ? Je pense. Bah, je les ai déjà vus, mais j'avoue que... On est en train de deviner. Je sais pas, franchement, un groupe qui m'a laissé sans voix en concert... je partirais pas dans les gros groupes, je partirais dans les groupes locaux plutôt. C'est un groupe lillois de hardcore mélodique metalcore, c'est Wait for the Daylight. Ils m'ont mis une claque monumentale. Je suis allé les voir, j'avais un groupe de potes qui passait, et ils passaient juste avant ce groupe-là. Donc Chaos, du coup, aussi, s'ils m'entendent. Ils nous entendent, c'est clair. Et du coup, je ne connaissais pas du tout ce groupe Wait for the Daylight, et ils disaient, bah ouais, on va faire une setlist, ça sera assez court, 20 minutes. Je me suis pris une... Tatane de 20 minutes. Sur les 20 minutes, t'as pris une claque. Ah, c'était. Franchement, je me suis dit, mais il y a des groupes connus mondialement, ils envoient pas autant d'énergie, autant de. Ça faisait mal. Et je les ai revus quelques mois après, ils avaient encore passé un cap. Et là, tu te dis, bah, moi je vais poser ma guitare, j'arrête le groupe et c'est bon. Hein. Ok. Bam. Moi, je vous invite à écouter donc votre deuxième extrait qui s'appelle Sombre Héros. Ouais. Alors il est très court. Ouais, mais très intense. Et très intense. D'accord. Et après on retrouvera la Sylvalsung. Voilà. Parce que c'est un groupe aussi qu'elle a choisi, qui envoie du lourd sur scène. Ça je peux vous le dire. Et ça va peut-être vous ça parler. Ça devrait vous plaire. Voilà, ça devrait cool. Sûrement vous plaire. Normalement. Normalement. Voilà. Allez, on écoute Icarus Rising avec Sombre Hero. Et on se retrouve tout de suite après. Comme vous disiez, donc c'est intense. Ce fut court et intense. Alors, juste avant de vous retrouver, on va écouter donc la Sylvalsung, comme donc tu as l'habitude que tu écoutes souvent. Donc tu sais qu'il y a des petits passages comme ça avec Sylval qui a sa song, le slasher. Et moi, c'est généralement la balade. Bon, j'aime bien l'emballer, donc c'est pour ça. C'est au moment où on doit sortir de la pièce. Non, c'est parce qu'on m'appelle le cougar. Le cougar. Ah, d'accord. Voilà. Mais je vais regarder. Hein. Et d'où faut que tu sortes. Quand je serai grand, c'est ça. Alors. Donc j'ai choisi le groupe Avatar. Ah, bah on connaît. Ouais. J'ai vu les copains. Vous connaissez. Hein. J'ai vu le film. C'est pas la même chose. Je m'y attendais. Bon, on a des blagues pourries. Hein, donc j'ai vu la chanson What I Don't Know. pour changer un peu. Ouais. Avatar qui seront au Hellfest. Sont au Hellfest, tout à fait. Voilà. Et après, je n'ai pas vu s'ils sont Grass Pop ou autre. Ça, je ne sais pas, mais au Hellfest, ils y sont. Grass Pop, c'est possible. Ouais. Ils ne sont pas au Download cette année. Non. L'année non. Voilà. Et en plus, des gens charmants. Hein, ça ouais, ils sont très sympathiques. Ouais, voilà. Si un peu déjantés aussi, mais bon, c'est sympathique. C'est ça qui fait le charme. Oui, voilà, sur scène surtout. Ouais. Hein. On parlait de jeu scénique, c'est vrai qu'Avatar, c'est costaud. Ouais, quand même. Voilà. Vas-y, je te laisse annoncer. Donc, Avatar avec le titre What I Don't Know. Voilà, c'est parti. Et oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Oh, Donc c'était Avatar avec le titre What I Don't Know. Voilà, nos petits déjantés. Voilà. Mais déjantés gentils quand même. Hein. Oui, très sympa. Et ils assurent, hein, parce que même si tu te souviens, on avait été les voir du côté de Mass McKellen. Si on était 10 pelés, 2 tondus, c'était beaucoup. Et il pleuvait, ils ont quand même assuré le show. Quoi. Ah ouais. Ça, ça fait plaisir. C'est bien. Ouais. Ils aiment la musique. Quoi. Ouais, ouais. C'est ça, dédicace c'est... après tout. Respect. Quoi. Quoi. Franchement, c'était respect, l'hécatombe. Un orage violent et tout. Ça pas. Ils ont vraiment pas eu de bol. Quoi, j'ai envie de dire, ça met dans l'ambiance. Ouais, ouais, ça, ça, fait, ça, fait, orage, ça fait un petit visuel scénique sympa. Un peu chiant pour les photos, mais enfin, ça va. Attends, visuel. Ah, pour enlever le flash. Visuel sympa. Ouais, t'aurais été là, t'aurais adoré. Il y avait juste une église à côté. Ah bah. J'ai les photos. Je suis pas très black metal, mais ça aurait pu ravir certains. Ouais. Donc là, on a écouté deux extraits donc de votre EP. On ouais. peut dire ça comme ça. Futur album, oui titre. Comment comptez-vous et quand comptez-vous vraiment sortir votre petit bébé, votre nouveau-né, votre premier. Ouais. Bah, il nous mettra 9 mois de gestation, peut-être. Ouais, ouais c'est non. ça, en plus. Est-ce que vos fans vont encore attendre 9 mois, justement? Non. Bah, en fait, là, comme on fait tout nous-mêmes, c'est vraiment un EP DIY, hein, c'est vraiment tout fait par nous-mêmes, que ce soit les enregistrements, le mixage, le mastering, la pochette, vraiment tout est fait par nous-mêmes. Faudrait compter quand même. Bon, je vais pas donner une date vraiment précise, mais début septembre, il sera au chaud. Bon, après, je dis pas, peut-être que début juin, un single va paraître. Il y a possibilité, très forte probabilité. On va mettre quelque chose quand même début juin pour lancer la machine. Voilà, parce que comme on peut voir, rien que les deux titres, c'est des styles totalement différents, mais qui se rejoignent quand même. Mmh. Et là, le troisième titre va vraiment faire la jointure entre les deux ouais. Entre un passage hyper bourrin et hyper calme. Et c'est hyper ça. Calme, mais qui fait monter la sauce, on va dire. C'est ça. Donc, j'en dis pas plus, mais en début juin, il y aura quand même un single qui va sortir. Enfin, un single. Un titre qui va sortir pour teaser un petit peu l'EP. Mais sorti début septembre et. Avec un concours. À la sortie. Ouais. Ça, on verra si les gens sont gentils. Ouais. S'ils sont sages, hein, on fera peut-être gagner un ou deux EP. Voilà. Justement, en parlant de concours, on rappelle, il y a encore 3 places pour Elie. Oui. À vous faire remporter. Hein. Il suffit tout simplement de nous dire la date de formation du groupe. Donc, si vous l'avez, vous envoyez un message privé et vous pourrez remporter des places pour aller voir le concert d'Elie jeudi. Au Splendide à Lille. Faites pas comme moi, n'y allez pas en retard parce que se pointer un jour après le concert, ça fait un peu con. Ça, c'est fait. Mais c'est fait. Ah, c'était bien. Mais je comprends pas, il n'y a pas de tourbus. Il n'y a pas de tourbus, il n'y a pas de camion, il n'y a rien. C'est plus calme, il n'y a personne qui vient voir. Chouette, je vais être tout seul. Ça m'est arrivé une fois au cinéma, mais pas en concert. Hein. Non, mais bon, que veux-tu? Justement. J'ai du temps. Vous avez, je suppose, déjà votre petit groupe de fans qui vous suivent et tout ça. Les groupies. Des groupies, peut-être, pourquoi pas? Ouais, quelques-unes. Mais je veux pas avoir des ennuis avec vos dames. Hein. Mais justement. On décline toute responsabilité. Est-ce qu'ils vous demandent pas des choses, peut-être, est-ce qu'ils sont pas à une attente un peu plus, je sais pas moi. Musicalement auprès de vous, en disant on aimerait bien peut-être que vous vous orientez vers ci, vers ça, ou si, voilà, je sais pas. Pour l'instant, non, ils sont contents de voir ce qu'on fait. Là, je crois que déjà l'EP, c'est vraiment pour voir ce qu'on fait vraiment en globalité. C'est la démonstration, en fait, clairement. Voilà. C'est ça. C'est notre identité ça. Qu'on va défendre, en fait. Après, ouais, on a nos petits groupes qui nous suivent assez régulièrement. Mm. Ça fait vraiment plaisir de se voir quand même encouragé dans ce qu'on fait. Ouais. Non, il n'y a pas de demande express ou quoi. Bon, on fait toujours des petits retours. Par exemple, quand je finis de mixer un titre ou quoi, on l'écoute déjà à 4. On voit ce que ça donne. Puis après, on demande à d'autres personnes pour voir, pour avoir un petit peu leur avis. Mais des demandes, non, c'est juste des petits arrangements, mais dans le dans la totalité de ce qu'on fait. On est libre à 100% de ce qu'on fait. On fait ce qu'on aime, et puis on fait comme on le sent sur l'instant. Surtout toi à la voix, c'est sur l'instant. Ouais. Après, c'est mince, il va falloir que je retienne ce que j'ai fait. Ouais, c'est un peu mais c'est vraiment ce qu'on aime faire. Là, pour l'instant, on va spoiler un petit peu le P. Il n'y a pas de balade. Mais parce qu'on a. On l'a entendu tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est Sombrero, c'est la balade c'est de l'EP. On l'appelle souvent la balade de l'EP. Voilà. Mais non, il n'y a pas de demande explicite. C'est vraiment les gens attendent de voir ce qu'on peut faire. Donc, vous avez parlé de l'application du groupe de A à Z, aussi bien donc de la distribution. Mm-hmm. Est-ce que vous allez faire un démarchage justement pour essayer qu'on vous aide à promouvoir votre EP, ou ça va être vraiment de... Pas pour l'instant. Hein. Vous allez faire tout de A à Z, les release parties et voilà. Tout ça. Ouais, ça on va le faire. Donc, on attend que ça. Ouais, façon, voilà, là on est en train de voir justement pour et justement, une série de concerts. Trois Lillois, un Moucronois. La release party va se faire où? À Roubaix? Enfin, entre les deux, on peut en faire deux. On va jouer au Danemark. Une nation. En terrain neutre. En terrain neutre, on va en Suisse. Allez, c'est tout. Non, justement, parce que je suppose que tu as quand même tes potes moucronois, ouais, qui veulent te voir. Mmh. Je suppose que vous avez vos Lillois. On reste pas fermé après. Hein. Non, ouais. On reste pas fermé. On est suivi par beaucoup de Belges. Moi, j'ai des potes belges qui vont venir à Moucron déjà. Dire, on sollicite aussi des groupes belges. Oui, on a beaucoup de groupes belges qu'on apprécie énormément. Critical Case. Ouais. Donc on peut s'attendre à non pas une release party, mais deux. Minimum. Après, si d'autres pays nouvelles, il n'y a pas de souci, on vient faire une release party. Franchement, ça nous ferait vraiment plaisir de faire ça en France et en Belgique. Ouais. Les deux, carrément. Bah, déjà, rien que le fait de venir jouer à Moucron le 27, ça fait énormément ça plaisir. Fait plaisir. Merci Sullivan, au passage. Voilà. Ouais. Merci Sullivan, on te salue ce soir. Ouais. Santé. Merci, tu nous fais confiance et on va pas te décevoir, on va faire on va du essayer. Bah, moi, ce que je vais faire, je vais vous inviter à écouter un autre titre, à moins qu'il y ait une question encore. Non, on va s'écouter Xtoria avec Boom Boom. C'est tout nouveau, c'est tout frais. L'album, c'est le titre éponyme, hein, Xtoria aussi. Vous savez, bon, comme tu le sais souvent, sur Rive d'Enfer, c'est énormément de nouveautés, pratiquement tous les lundis, quoi. It's my time, it's my day. To be mama, can't you believe? Voilà, donc c'était donc le groupe Historia avec Boom Boom. Non, c'était pas le fameux truc dance qu'on a connu à la bonne époque quand avec on sortait en discothèque. Ouais, boom Boom Boom. Black Eyed Peas. Ah, ça pouvait être Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, c'est bien. Non, mais il y avait un petit peu de DJ bien sympa. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Et The Chemist aussi, pour ceux qui connaissent un peu, c'est quasiment, je veux pas dire la même chose, mais le même style. Ouais. Donc, les amis. Donc on va se fixer un rendez-vous par exemple pour septembre parce que bon les vacances ça sert à rien que vous veniez nous présenter votre album complètement l'album hein, ça serait un plaisir nous déjà on vous remercie pour ce soir hein, franchement c'est clair et on court les yeux fermés pour septembre il y a pas de souci non mais on est bien un shérif d'enfer. On est bien, très très bien. Bonne équipe d'enfer. Ouais. C'est une équipe d'enfer. Merci Laurent. Et un peu avatar, c'est bon, ça passe. C'est pas faux. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir que, comme je le dis toujours et je le répète, et c'est grâce aussi à notre équipe, on est trois, mais on a énormément de monde qui nous écoute sur RQC. Et là, bah, les gens qui vous ont dit que vous étiez cool et sympa, c'est des gens qui sont quand même de Chantilly. Il y a des gens des États-Unis et tout ça qui vous écoutent et qui vous voient et qui vous regardent. Et l'Argentine, beaucoup. Cool. Voilà. En fait, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas compris le français. Voilà, à mon avis, ils connaissent ces personnes. Voilà, c'est quand je dis Moucron est une. RQC est une grande famille. Et c'est un peu comme les vampires. Une c'est fois vrai. Que vous avez passé la porte, vous pouvez venir nous sucer le sang. Je dis bien le sang. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun malentendu. Je vois pas ce qu'on aurait pu croire. Non, je vais sortir. C'est pas notre genre. Une fois que la porte est franchie. C'est pas notre genre du tout. Une fois que la porte est franchie, vous êtes les bienvenus. Voilà. Comme ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Plaisir. Franchement, là, ouais. On va s'écouter Day of Jupiter avec I Am Stone. Juste là, je vais vous laisser le mot de la fin. Nous, on va continuer l'émission. On va vous demander de remplir le livre d'or de Rive d'Enfer. Qu'est-ce que vous. Ça, je vous laisse le Rive d'Enfer. Je vous laisse le mot de la fin pour vous. Bon, on va le laisser au Moucron Noir. Ouais, je pense. Ouais. On a déjà beaucoup de monde le 27. Attends, il y a un micro quand même. Ouais. Voilà. On voit bien qu'il ne chante pas. Hein. Non, je ne chante pas, moi. Je ne sais pas chanter en plus. C'est vrai. Attends, c'est mal. Il fait de la basse, on ne l'entend pas trop. Il y aura beaucoup de groupes Moucron Noir, donc Stan et tout ça. Henri IV, tous les bons copains enfin que je connais qui vont venir à notre concert le 27 juin donc ça sera 21h je pense si je me trompe pas. Oui c'est ça. C'est ça, au Nouveau Monde et un gros bordel, on veut un gros bordel. Oh, c'est le bordel quoi, voilà. Oh, oui. Le bordel. Voilà. Bon, et on veut faire autant de bien à Moucron qu'il nous en a donné. Voilà, c'est ça. C'est un mauvais jeu de mots. Allez, nous on va continuer, on va écouter Day of Jupiter avec I Am Stone et on se retrouve tout de suite après. Take a look around. Tell me what you see. Et ben c'est pas mal du tout, A Day of Jupiter, avec le titre I Am Stone. Il y a du monde en studio, monde, et c'est bien, monde. C'est chaud, c'est très chaud, chaud patate. voilà, donc bientôt les Midnight Monkeys, c'est pas la dernière fois que vous allez les retrouver, mais le lundi, oui, car ils ont pris une autre plage horaire. une planche aussi, s'ils font du surf, pourquoi pas, surfing and yourself, non, mais vous les retrouverez le samedi, je vous donnerai l'horaire tout à l'heure. Là, on va s'écouter Apostate Vicitacum avec In the Shadows of the Monolith, et on se retrouve tout de suite après. Just to make Voilà, voilà, c'est la fin de l'émission tout doucement. Hein. Et oui. Et oui. Un slasher. Hein. Oui, oui. Alors là, vous allez retrouver d'ici quelques minutes les Midnight Monkeys Radio Show. Ouais. Qu'on retrouvera non plus après nous, à partir de la semaine prochaine. Ils seront là à partir des samedis. Donc ils continuent leur émission, mais le samedi. Et je crois que c'est à 19h ou 19h30. D'accord. Voilà. Donc moi je vous remercie les amis d'être venus bah oui, avec merci, la bonne humeur. Darius Rising. Ah, attends, si tu ne montes pas le micro, voilà. Ah ouais, non, comme ça. Ouais. Bah, en tout cas, merci à vous surtout pour l'invitation et de nous permettre de venir. Hein. Franchement, ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Surtout Laurent, là, il était depuis 8h du matin, ouais. Il était stressé. Il tournait en rond comme un poisson rouge dans son bocal. Voilà, sauf qu'il se souvenait encore de ce qu'il devait faire. D'accord. Et donc, vous êtes les bienvenus quand l'album sort. Et je remercie aussi le groupe Bleed qu'on a eu en interview Fonner tout à l'heure. Oui, c'était sympa aussi, quoi. Ça. Oui. Sympa, mais malheureusement, c'est malheureusement très mauvais son. Mais c'est le Fonner. Mais niveau musicalement, c'était bien. Ouais, voilà. C'est pas mal. Voilà. Du tout. Nous, on va se quitter avec Dunder Beast, avec Common Ten Corn. Et on se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les amis, restez bien branchés. Bye bye. Avec les Midnight Monkeys Radio Show. Et le samedi, ce sera quelle heure les amis? Le 19-21, c'est le dernier Midnight Monkey du lundi. Voilà, 19-21, donc vous trouverez Jeff et Bass le samedi. Ciao les amis. Ciao.